بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On a vu hier le hadith de Aïcha concernant la prière liée à l'éclipse. واليوم الحديث الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله. Aujourd'hui le deuxième hadith qu'a cité l'auteur dans ce sous-chapitre, le sous-chapitre lié à la prière de l'éclipse. L'auteur qui nous dit rahimahullah wa an Abi Mas'udin Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna ash-shamsa wal-qamara ayatan min ayatillah يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. Selon أبي مسعود عقبة ابن عمر الأنصاري البدري رضي الله عنه qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, le soleil et la lune sont deux signes parmi les signes d'Allah. Allah fait peur à ses serviteurs par ces deux signes. Allah fait peur à ses serviteurs par ces deux signes. On peut aussi dire pour yukhawif, on peut aussi dire menace. Allah menace ses serviteurs par ces deux signes. Et certes, ces deux-là, donc le soleil et la lune, ne vont pas s'éclipser pour la mort de qui que ce soit parmi les gens. Et donc, si vous voyez cela, alors priez et invoquez jusqu'à ce que cela s'en aille. Jusqu'à ce que cela s'en aille. Fi hadha al-hadith, anna ash-shamsa wal-qamara ayatan min ayatillah. Dans ce hadith, comme on l'a cité précédemment, que le soleil et la lune sont deux signes parmi les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala. فَاللَّهُ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَ. Et donc, comme on l'a vu, Allah tabaraka wa ta'ala menace ses serviteurs et il fait peur à ses serviteurs par ces deux signes. وَلَا عَبَثًا لَا يَفْعَلُهُ عَبَثًا كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ. Allah, il ne fait pas cela en vain, comme certains le font. Il ne fait pas peur à ses serviteurs en vain. Certaines personnes, parfois, ils vont s'amuser à faire peur aux autres. C'est un jeu. Faire sursauter les gens, faire peur aux autres, etc. Allah tabaraka wa ta'ala, il ne fait pas cela en vain. Il fait peur, il menace ses serviteurs afin que ceux-ci reviennent sur la vérité. Afin que ceux-ci délaissent les péchés. Afin que ceux-ci reviennent à Allah tabaraka wa ta'ala et se rappellent qu'ils seront jugés. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit: lahum min fawqihim dhulal, lahum min fawqihim dhulalun min an-nar wa min tahtihim dhulal, dhalika yukhawifu Allah bihi 'ibada ya 'ibadi fattaqun. Ils auront au-dessus d'eux des couches de feu et en dessous d'eux des couches de feu. C'est ainsi que Allah menace ses serviteurs, en leur faisant leur appel du feu, en leur montrant des signes. C'est ainsi que Allah menace ses serviteurs. Ô mes serviteurs, craignez-moi. Craignez-moi, ya ibadi fattakun. Et donc les signes que Allah tabaraka wa ta'ala elle nous envoie, c'est pour qu'on puisse le craindre et revenir. Lakin an-nas kama ra'ayna bil ams. لكن الناس اليوم يظنون أنفسهم آمنين من عذاب الله تبارك وتعالى كأنه لا يغلبهم أحد. Cependant, les gens aujourd'hui, comme on l'a vu hier, les gens aujourd'hui, ils se sentent en sécurité. Ils se sentent préservés du châtiment d'Allah تبارك وتعالى, comme si personne ne peut avoir le dessus sur eux. Comme on l'a dit hier, les gens en pleine éclipse lunaire, éclipse solaire, ça n'a pas d'impact sur leur cœur. Ils peuvent continuer leur grand péché. On le voit tout de suite là. Propagation du corona, il n'y a rien qui change. Les péchés, ils sont là. Les gens, ils attendent. C'est quand est-ce qu'ils vont réouvrir les boîtes de nuit, ils nous disent. C'est quand est-ce qu'ils vont réouvrir les boîtes de nuit? Ils te disent, ça fait un an! Un an! Subhanallah, tu te dis, mais comment est-ce que je peux vivre au milieu de gens comme ça? C'est pas possible. Comment je peux vivre au milieu de gens comme ça? On est en pleine épidémie. Les gens, ils ont peur. T'es là, comment, quand est-ce qu'ils vont ouvrir les boîtes de nuit? La haoula wa la quwwata illa billah. Les gens ne pensent, ils n'ont plus peur. Et donc, nous devons nous préserver, les frères. Afin qu'on voit cela autour de nous, mais il faut que tu saches que ça a un impact sur toi. Aujourd'hui, tu es fort, tu es là, tu tiens, mais tu vas faiblir avec le temps. Attention! Préserve-toi afin que tu ne deviennes pas comme ces gens-là. Wa fi hadha al-hadith, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam amara bis-salat idha ra'ayna al-kusuf. Il y a dans ce hadith le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné l'accomplissement de la prière lorsqu'on voit l'éclipse. Wa fi hadha fa'idatun muhimma wa hiya anna an-nas ahyanan yukhbiruna biwujud kusufin la yura. Il y a en cela un point important, c'est que parfois les gens ils informent aux informations, par exemple ils informent d'une éclipse mais qu'on ne voit pas, une éclipse qu'on ne voit pas. Attention, il y a une éclipse solaire dans tel endroit, etc. Mais vu l'angle de vision, etc., l'éclipse ne sera pas visible. Mais il y a une éclipse. Hina idhin la nusalli. À ce moment-là, on ne prie pas. On ne fait pas la prière de l'éclipse. Même si eux, ils nous disent, oui, il y en a une. On ne prie pas. Pourquoi ? Li'anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam allaqa as-salata bir-ru'ya. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a lié la prière à la vue, à la vision. À partir du moment où on voit l'éclipse, on prie. On ne la voit pas, on ne prie pas. D'accord ? Ça, c'est important. وَكَذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ صَلَاتِ الْكُسُوفِ. Il y a dans ce même hadith une preuve. On a vu hier que la prière du kusuf, la prière de l'éclipse, est surérogatoire. C'est sunnah mu'akkada. Il y a ici une preuve qu'elle est surérogatoire. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Fais-sallu wad'u ». Il a dit « Priez et invoquez ». Alors, priez et invoquez. « Fais-qarana al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam as-salata bid-du'a ». Et donc, le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam, il a lié la prière à l'invocation. Il n'y a personne qui dit que l'invocation est obligatoire. L'invocation n'est pas obligatoire. Et donc ils nous disent, les savants ici, le prophète il nous a cité des éléments, des actes à faire qui ne sont pas obligatoires. Dans une autre riwaya, il nous dit watasaddaqu. Il nous dit donc et donner l'aumône. Et donc prier, invoquer et donner l'aumône. Donc que des actes surérogatoires. Ils disent les savants ici et donc on comprend de ce hadith que cette prière n'est pas obligatoire. Pourquoi ? Parce qu'elle a été liée à des éléments surérogatoires. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنكَشِفَ مَا بِكُمْ. Le prophète il a dit, donc si vous voyez quelque chose de cela, donc l'éclipse, alors priez et invoquez jusqu'à ce que cela disparaissent. Les savants, ils ont divergé. L'imam, il fait donc la prière de l'éclipse lunaire. Il finit la prière, on regarde, l'éclipse n'est pas terminée. Il finit la prière, l'éclipse, elle est toujours présente. On fait quoi ? Est-ce qu'on reprend une prière ? Ou alors c'est bon, c'est fini ? Les savants, ils ont divergé. فَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَىٰ أَنَّ الْإِمَامُ يُوَاسِلْ وَيُصَلِّ رَكَعْتَيْنِ رَكَعْتَيْنِ. Il y a un groupe de savants qui disent que l'imam, il continue. Il a fini, il reprend une deuxième prière, et il continue comme ça, deux unités par deux unités, jusqu'à ce que l'éclipse elles disparaissent. Istadallu bi hadith an-Nu'man ibn Bashir fi Sunan Abi Daoud. Ils se sont appuyés pour cela sur le hadith de an-Nu'man ibn Bashir dans le recueil de Abi Daoud qui dit, donc an-Nu'man ibn Bashir qui dit, kasafat ash-shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت. Et donc il dit Nu'man ibn Bashir, il dit le soleil s'est éclipsé, il y a eu une éclipse solaire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a alors prié deux par deux. Rak'atayn, rak'atayn. Il a alors prié deux par deux et demandait concernant celle-ci, donc concernant l'éclipse solaire. Il demandait concernant celle-ci jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Il a prié deux par deux et demandait concernant celle-ci jusqu'à ce qu'elle disparaisse. هذا الحديث ضعفه الإمام الألباني رحمه الله. L'imam al-Albani, il a jugé ce hadith da'if. Pourquoi? L'idtirab fil isnad. Pourquoi? À cause des confusions dans la chaîne de transmission. Parfois, tu as un narrateur, il va te dire qu'il rapporte le hadith d'une personne, après il te dit qu'il le rapporte d'une autre personne, ensuite d'une autre. Il y a une confusion. Il l'a rapporté de qui? Et donc là, il n'est pas sûr, le narrateur. Quand il nous rapporte l'information, il faut, quand il nous cite l'isnad, la chaîne de transmission, il ne faut pas qu'il y ait de doute. Ici, les savants, ils ont repéré une confusion. وكذلك لأن هذا الحديث يخالف الأحاديث الصحيحة. Et aussi parce que ce hadith, il contredit les hadiths qui sont authentiques de façon claire. Les hadiths les plus authentiques. Dans Sahihain, il ne stipule pas que le prophète, il a fait les prières deux par deux en faisant plusieurs prières. Il n'y a pas ça dans les autres hadiths. Et donc, ce hadith, il est da'if. El Qawlu Thani, le deuxième avis, wa huwa Qawlu al-Jamahir, l'avis de la grande majorité des savants, annahu la yushra'u i'adatu as-salat. Il n'est pas permis de refaire une prière. Pourquoi? Li'anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lam yaf'alhu, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Et donc on ne le fait pas. Wa kadhalika an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam amarna bis-salati والدعاء والصدقة إذن أبواب الخير مفتوحة وكثيرة. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donc recommandé de faire la prière, l'invocation et aussi l'aumône. Les portes du bien sont ouvertes, elles sont nombreuses. إذن إذا انتهت الصلاة ولم ينجل الكسوف فادع الله تبارك وتعالى وتصدق وافعل الخير. Et donc, si donc, l'éclipse est terminée, la prière est terminée, mais que l'éclipse est toujours présente, alors invoque Allah tabaraka wa ta'ala, et donc invoque-le, donne de l'aumône, fais du bien, kabbir, fais le takbir, dis Allahu Akbar, comme cela a été cité dans un autre hadith aussi, et on le verra tout ça demain, inshallah ta'ala. Je voulais passer au hadith, le troisième hadith, hadith de Aisha en fait, c'est un hadith qui est à peu près comme le premier hadith qu'on a vu au début. Le premier hadith où Aïcha nous a décrit à peu près la prière du Kousouf. Comment c'est? Combien d'unités? Comment sont les unités? Etc. Et ce troisième hadith, toujours un hadith de Aïcha, mais là, elle décrit encore plus la prière. Et aussi, il y a un passage très très très important à la fin. Un discours du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous faire méditer aussi. Ça, on le verra demain, inshallah ta'ala, parce que le hadith est un peu long. Pas demain, la semaine prochaine, excusez-moi. Demain, c'est tafsir. Donc la semaine prochaine, inshallah ta'ala, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khayran.